Cultivant de plus en plus le nucléaire, ils vont tout droit direct détruire notre atmosphère. Une bombe l'air, ils ne comprennent pas, en tout cas ils en ont pas l'air. Qu'en cultivant de plus en plus le nucléaire, ils vont tout droit direct détruire notre atmosphère. Le 2 mai 2005 s'est ouvert chez les New Yorkais la conférence de révision du TNP. Le traité de non-prolifération fut signé par plus de 180 pays, tous motivés, car tous conscients que la prolifération nucléaire représente la menace la plus grande pour notre terre. La logique du traité est assez simple et claire, il repose sur l'équilibre des pays signataires. Les pays qui ont la bombe s'engagent à la détruire, et ceux qui ne l'ont pas s'engagent à ne pas l'acquérir. Le hic, c'est que l'actualité nous démontre chaque jour que l'homme puissant finance les si peu en amour. Ils nous bombent les rires, ils ne comprennent pas, en tout cas ils en ont pas l'air. En cultivant de plus en plus le nucléaire, ils vont tout droit direct détruire notre atmosphère. Ils nous bombent les rires, ils ne comprennent pas, en tout cas ils en ont pas l'air. En cultivant de plus en plus le nucléaire, ils vont tout droit direct détruire notre atmosphère. Ils nous bombent les rires, ils ne comprennent pas, cultivant de plus en plus le nucléaire, ils vont au droit direct détruire notre atmosphère. Pour que l'élimination du nucléaire avance, il faut mettre fin à l'hypocrisie des grandes puissances sous couvert, bien sûr, de coopération civile. Elles vont droit gain de production de la bombe ou des missiles. La France respecte pas cet engagement signé promis, dès lors que ses intérêts ne semblent plus garantis. L'Union 4 km de Brest dans le Finistère abrite au moins 288 têtes nucléaires. Je parle car c'est en secret près de chez toi, est un pétard 2000 fois plus puissant qu'Hiroshima. Grande-Bretagne, France, Chine, États-Unis et Russie accusent d'armement les pays qu'ils ont eux-mêmes fournis. Aboutir, ils nous bombent les gars, ils ne comprennent pas, en tout cas ils en ont pas l'air. Qu'en cultivant de plus en plus le nucléaire, ils vont tout droit direct détruire notre atmosphère. Ils nous bombent les gars, ils ne comprennent pas, en tout cas ils en ont pas l'air. Qu'en cultivant de plus en plus le nucléaire, ils vont tout droit direct détruire notre atmosphère. Ils nous bombent les gars, ils ne comprennent pas, en tout cas ils en ont pas l'air. Qu'en cultivant de plus en plus le nucléaire, ils vont tout droit direct détruire notre atmosphère. Aujourd'hui, un conflit peut provoquer le pire des hivers, un hiver nucléaire qui contaminerait l'atmosphère. Des nuages dessus noirs couvraient de vastes étendues, et les températures chuteraient gravement. T'as vu, ce climat se dirait plus loin que la zone visée, mais la France sera protégée comme par le passé, lorsque le nuage de Tchernobyl se balade de aux frontières. Mais alors à quoi est due l'augmentation des cancers? Sûrement pas au nombre incalculable des ces Français, dont la toxicité des retombées fut démontrée. Des armes c'est l'unique solution. L'homme doit vivre sans cet amour, elle causera son extinction. Et nous font